na pe bakolo to pesa na maboko pote tolingana moketa bwana kinda mbona ndambo eluka kikaka se mobikisi mobali asalili kambo emonani ebongize tondima tobomba te mouvement populaire de la révolution José Mobutu est mon ami fondateur. Batu Ponte Bayokana Nambokao. Et Sengeli Basala Zedisanga. Asali Imper Nabisoga. Et Komona Makamboya Batu Alikundu. Moka et Kominye Solotonima. Tokoli a Tokomele Mobulu Ezili. Thank you. pensement était l'action. Impéré, oyez, oyez, et l'action engendrait le progrès. Impéré, oyez, oyez, révolution, comparaison.